Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Je revois ce temps quand belle au vent tu jetais en riant au mendiant quelques sous. On te disait, garde petit, tu vas trop vite, tu nous prenais tous pour. Il est fou. Tu aimais tant plaisanter et te moquer des paumés, ça, ça t'amusait. Tu parles moins qu'hier et tu fais moins, bien moins la pierre. Quand tu pointes à la cantine le cœur en exil. Cette foule sans nom, inconnue d'horizon, ces exclus que l'on foule comme des pierres qui école, mis solitude, mais tu as passé tes études à rêver, à te griser. Là-bas, personne n'a su t'enseigner à vivre la rue. Aujourd'hui, tu te sens nu et perdu. Tu disais, moi, jamais compromise avec ces vagabonds, mes surprises là, tu réalises. Ah non, qu'il n'échange pas que des devises. Quand tu vois leurs yeux défaits comme des valises, et quand tu leur proposes un petit deal tendre et fragile. Mais où vont ces fils, si sans domicile, cette foule sans nom. Un blues covers consacré à Bob Dylan ne pouvait pas commencer sans Hugo Frey, même si on n'est pas à proprement parler un bluesman français. Mais c'est quand même lui, avec Pierre Delanoë, qui a contribué à faire connaître Bob Dylan en France par ses adaptations au début des années 60. Et vous venez d'entendre un extrait de son adaptation de Like a Rolling Stone, sous le titre Comme ces pierres qui roulent, en 1995. Bon, maintenant, nous passons au bluesman français. Ah mince, c'est un Américain, mais qui vit en France. Et oui, Mike Green, avec son groupe Bulldog Gravy, qui en 2004 nous propose sa version de Maggie's Farm. Alors, Bulldog Gravy n'existe plus. Et puis, une petite anecdote, Mike Green était à Woodstock, non pas sur scène, mais il était parmi les 500 000 spectateurs. Bulldog Gravy, Maggie's Farm. Driving me insane. It's a shame the way she make me sick. hands you a dime. He asks you with a grin, are you having a good time? Then he finds you every time you slam the door. Whoa, I ain't gonna work for Maggie's brother no more. No more. Après Bulldog Gravy, qui nous venait du Vaucluse et Bouches-du-Rhône, voici Longe, qui nous vient de Bordeaux. Longe, c'est un bassiste et c'est aussi un guitariste-chanteur. C'est un vieux routier de la scène bordelaise, bien qu'il ne soit pas très très vieux lui-même, mais il a déjà beaucoup d'expérience. Il a joué avec Jump to the West Side, ce groupe qui a lancé Alexis Evan et Thibaut Ripaud. Et puis, il joue maintenant avec mon ami Mathieu Van Der Scheide sous le nom de Big Mad Band. Et là, il va être en solo, tout seul avec sa gratte, un peu comme Dylan à ses débuts. Il nous propose sa version de I'll Be Your Baby Tonight en 2004 également. Longe. Close your eyes. Close the door. You don't have to worry anymore. 'Cause I'll be your baby tonight. Shut the light, shut the shade. No, you don't. have to be afraid. Be your baby tonight. All that mockingbird's gonna fade away. We're gonna forget it. That big fat moon is gonna shine like a spoon. We're gonna let it, you won't regret it. Kick your shoes off, do not fear. Bring that button over here. 'Cause I be your baby tonight. You know I'll be your baby tonight. En 2017 est paru l'un des meilleurs EP de blues en France. Oui, oui, je pèse mes mots. The Bone Robbers, c'est Phil Rubio, à la basse et au cœur, et puis Phil Bonin, au chant, au ukulélé, à la guitare. Hein, ce sont des gens qu'on connaît bien dans le milieu. Ils ont produit ou accompagné pas mal d'artistes. Et puis, avec Phil Bonin, j'avais créé, il y a une dizaine d'années, la web radio W3 Blues Radio. Certains s'en souviennent peut-être. Mais aujourd'hui, revenons à Blues Covers consacrés à Dylan, avec leur version de « If you gotta go, go now », The Bone Rubbers. De la région parisienne. Ce ne sont pas eux qui ont écrit les paroles en français, non, non. L'adaptation date des années 60, et d'ailleurs, c'est le groupe anglais Fairport Convention qui l'a créé, et Bijou aussi l'a repris dans les années 80. une petite merveille maintenant dans un style blues jazz avec Haley Tuck, une américaine vivant à Paris depuis quelques années. Et je ne sais pas exactement quand cette version est parue, il y a peut-être 1, 2 ou 3 ans, enfin peu importe. Mais alors, extraordinaire, Don't Think Twice, It's Alright, Haley Tuck. It ain't no use to sit and wonder why. If you don't know by now, it ain't no use to sit and wonder why. It'll never do somehow when your rooster crows at the break of dawn. Look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's alright. And it ain't no use in turning on your light, the light I never know. It ain't no use turning on your light, I'm on the dark side of the road. I wish there was something you would do or say, try to make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. Don't think twice, it's alright. Like you've never done before. It ain't no use calling out my name, I can't hear you anymore. I'm thinking and wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child I'm told. Gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's alright. So long, honey, baby. Where I'm bound, I can't tell. Goodbye's too good a word, babe. So I'll just say, fare thee well. I ain't saying you treated me unkind. Could've done better. All right. C'était Haley Tuck. Et si vous n'êtes pas sous le charme, eh bien vous pouvez changer de radio. Non, non, non, restez, car maintenant c'est Arnaud Fradin and the Roots Combo. Encore Don't Think Twice, It's All Right, une version tout aussi magique que celle de Haley Tuck. Dans un style un tout petit peu musclé, mais nous restons quand même dans l'acoustique, le électro-acoustique, avec de l'harmonica, de la guitare et la voix de Arnaud Fradin, leader du groupe Malted Milk. Et là, il s'amuse avec son Roots Combo, Don't Think Twice, It's Alright, paru en 2017. To sit and wonder why, babe. Even if you don't know by now, you don't use to sit and wonder why, babe. I don't even know somehow. when the rooster growls at the break of dawn. Look out your window and I'll be gone. Use the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's alright. And I use and turning on your light, cause I lie, never know that. And I used to see no one why, baby. I'm on the dark side of the road. I wish it was something you would do or say. Try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway, but don't think twice, it's alright. And now you've been calling out my name, girl, like you've never done before. And now you've been calling out my name, girl, I can't hear you anymore. Singing a warm bed, walking down the road. Once I loved a woman, a child I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. Et nous allons terminer ce Blues Covers consacré à Bob Dylan avec un autre vieux routier, lyonnais cette fois-ci, c'est Jack Bon. Et il s'est fait connaître à la fin des années 70 avec le trio, le Power Blues Trio Ganafool. C'était assez fort dans le style Cream, on peut dire. D'ailleurs, dans un blues cover Crossroads, vous pourrez l'entendre. Et là, il est en trio depuis quelques années. Jack Bon Trio avec sa reprise de Absolutely Sweet Mary, extrait du CD Standing Rock paru en 2018. Bye bye et à la prochaine. Can't jump it. Sometimes it gets so hard, you see. I'm just sitting here beating on that trumpet with all these promises you left for me. But where are you tonight? Where are you tonight, sweet Marie? For you, me, obviously. But then, now again, not too many can be like you, fortunately. Well, I got a fever down in my pockets. The Persian crooked, he follows me. Can't lock it. Oh, you see, you forgot to leave me with a key. But where are you tonight? Where are you tonight? Where are you tonight? Sweet Marie, c'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.